pas que c'est un bidon. Pour essayer de freiner le chômage ou essayer de freiner la vieillesse avec du fromage. C'est dommage qu'aujourd'hui il n'y a plus de valeur. À l'heure où tout va mal, va leur dire qu'on croit toujours en bonheur. C'est pas la bonne heure pour eux, mais nous on se lève de bonheur. Même si au bout des ans d'études on finit chômeur, où on se retrouve dans un kiosque à vendre des journaux. Pour l'eau, parce que c'est dur et pire pour les mères au fourneau. Ça se dégrade, tout t'écrase, ça brade à tout va au stade. Où on est? Qu'on est ou pas de monnaie, personne te reconnaît. Ou alors faut passer à la télé, faire la une de nos jours. De nos jours, pour faire ça faut être mêlé. Et une fois coincé, personne te sortira de la mêlée. Ça se dégrade à tout va. Mais où va-t-on? Les années passent vite, ça court comme un marathon. La fin commence maintenant, alors gratons. Boitons, c'est pour mourir vieux que nous nous battons. La ville ne fait rien pour nous, donc on ne fait rien pour elle. À part cacher son image, où nous faisons devenir des criminels. Que des promesses, rien dans les caisses des assos. Les associés du boss n'ont jamais vu un dossier. Fuck leur société et leur réunion. Mes associétés, et ils n'y ont vu que des choses que nous craignons. Comme quoi depuis que nous avons débarqué, nous les gênions. Donc avant qu'ils nous niquent, on fout la panique. Comme une coulée volcanique inattendue. On a crié, personne ne nous a entendu. Personne n'a tendu l'oreille. Maintenant ça flippe de tous les côtés. Ils veulent qu'on aille voter pour un représentant qui ne pourra pas faire flotter un drapeau à trois couleurs, à trois slogans, qui ont perdu leur valeur sous un ouragan. La haine, la rage des jeunes, peu importe l'orage, le gun est chargé. C'est trop tard, j'ai réveillé les esprits. J'ai pris les rênes aux mains pour que ça aille mieux demain. Pour lui, pour elle, pour nous, pour vous, pour mes gamins. Ça se dégrade à tout va. Mais où va-t-on? Les années passent vite, ça court comme un marathon. La fin commence maintenant, alors grattons. Boitons, c'est pour mourir vieux que nous nous battons. Nique la vie avant qu'elle te nique, Zagou. La vie vaut pas le coup de prendre des coups. On est beaucoup trop à laisser passer nos rêves. Nos chances faut pas qu'on crève. Avant que chacun nous se lève, crache sur le glaive et la balance. C'est sûr qu'elle pense pas ton côté en France. On fronce les sourcils, on pense que les jeunes sont sourcils. Ne répondent pas aux attaques, alors contrôle à leur traque. Mais sache que c'est dans l'obscurité qu'on prépare nos arnaques. C'est l'État qui payera, bourgeois contre caïra. Et on verra qui finira par chanter. Ah, ça ira. En tout cas, nous on sait que ça ira. On n'est pas fébrile. Et sache que chez nous, personne n'a peur de l'an 2000. Ça se dégrade à tout va. Mais où va-t-on? Les années passent vite, ça court